Voici votre butin régional. Paul Daresche se produira à la salle Guy Veilleux de Cours-sur-Iten le 14 mars. Les 14 et 15 mars, la paroisse Saint-François de Laval vous invite à son 8e symposium des arts à l'église Saint-Louis-de-France de Hastings. Ça se déroule de 11 à 18 heures le samedi et de 11h30 à 17h le dimanche. Le 15 mars, à 14 heures, au Centre culturel de Whedon, on présente le Népal, randonnée dans la région de l'Everest et découverte culturelle. Un film de Marie Bauduc-Béliveau et Yannick Gervais. Troisième clinique impôt, offerte gratuitement par le Centre d'action bénévole du Haut-Saint-François, à Hastings, le 16 mars, de 13 à 16 heures et de 18h30 à 20 heures, à la Maison des jeunes Actimage, ancienne Légion canadienne, 268 Saint-Jean-Ouest.